dimanche 30 septembre, l'amour comme fondement de l'unité. Dans le récit de la création de Genèse 1 et 2, un message ressort clairement. L'harmonie d'ensemble qui existait à la fin de la semaine, les paroles de conclusion de Dieu « très bon » font référence non seulement à la beauté esthétique, mais aussi à l'absence de tout élément mauvais ou discordant quand Dieu eut terminé de faire ce monde et les humains qui devaient le peupler. Le dessein originel de Dieu à la création comprenait la coexistence harmonieuse et les relations d'indépendance de toutes les formes de vie. C'était un monde merveilleux, créé pour la famille humaine. Tout était parfait et digne de son Créateur. L'idéal de Dieu et son objectif originel pour le monde étaient un objectif d'harmonie, d'unité et d'amour. Lisez Genèse 1, les versets 26 et 27. Qu'enseignent ces versets sur la singularité humaine par opposition au reste de la création terrestre décrite dans Genèse 1 et 2. Genèse dit que Dieu a créé l'humanité à son image, fait qui n'est dit de rien d'autre dans le récit de la création de la Genèse. Dieu dit « Faisons les humains à notre image selon notre ressemblance ». Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Les théologiens débattent depuis des siècles de la nature exacte de cette image et de la nature de Dieu lui-même. Mais de nombreux passages de la Bible présentent la nature de Dieu comme étant fondamentalement amour. Lisez 1 Jean 4, les versets 7, 8 et 16. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre comment nous avons été créés et en quoi cela a pu impacter l'unité originelle de la création ? Dieu est amour, et puisque les hommes sont également amour, ce qui n'est pas le cas pour le reste de la création, être créé à son image doit inclure la capacité d'aimer. Cependant, l'amour ne peut exister qu'en relation avec les autres. Ainsi, tout ce qui est fait à l'image de Dieu implique la capacité d'aimer et d'aimer profondément.